Exercice 3, page 108. A. Fin, fine. B. Plein, pleine. C. Mien, mienne. D. Prends, prenne. E. Don, donne. F. Bon, bonne.